Ici Marie-Claude Tremblay, directrice générale de la Caisse Desjardins du Nord du Lac-Saint-Jean. Et Luc Girard, directeur général de la Caisse populaire Desjardins et Plaine-Montréal. Nous profitons de cette période de réjouissance pour vous remercier chaleureusement de la confiance que vous nous témoignez. Au nom des dirigeants et du personnel de nos deux caisses, meilleurs vœux de bonheur, santé et de prospérité pour la nouvelle année. Et qu'elle vous permette la réalisation de vos vœux les plus chers. À tous, joyeuses fêtes! L'équipe de Polaire 3 souhaite de joyeuses fêtes à toute la population et les remercie de la confiance témoignée durant l'année 2019. Polaire 3 au 373 Avenue de la Friche à Dolbeau-Mistassini au 418-276-5018 ou visitez lepolaire3.com. Le propriétaire du restaurant Subway de Dolbeau-Mistassini, M. Luc Bélanger et toute son équipe profitent de l'occasion pour souhaiter à sa distinguée clientèle un très joyeux Noël et une bonne année. Et le remercie de leur encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents. Ce sont les souhaits du restaurant Subway situé au 1801 à Dolbeau-Mistassini au numéro de téléphone 418-276-6848. On est de retour à Denver. L'équipe de Gagnon Hébert, arpenteur, géomètre souhaite de joyeuses fêtes à toute la population ainsi qu'à sa clientèle et les remercie de la confiance témoignée durant l'année qui se termine. Gagnon Hébert, arpenteur, géomètre, 118 rue de Quin, Dolbeau-Mistassini, 418-276-8724. Gagnon Hébert, arpenteur, géomètre, vous offre un service à la mesure de vos droits. L'entreprise Usinage HB Numérique connaît une croissance intéressante, située au 210 rue Beauchamp à Dolbeau-Mistassini. Les propriétaires M. Hermel Bugeaud, Vincent Girard et Pierre Thériault viennent d'investir une somme importante de 300 000 $ pour l'achat d'équipements à la fine pointe de la technologie et qui permettra de satisfaire davantage sa clientèle. Toute notre équipe souhaite de joyeuses fêtes à la population et vous invite à la grande prudence. Ce sont les vœux de la direction d'Usinage Numérique HB au numéro de téléphone 418-239-0827. Revue de l'année dans le monde du baseball avec notre ami Bruno Boudreau. Salut Bruno! Salut Dan, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Bruno, 2019, à quoi t'as pensé toi pour le monde du baseball? Écoute, on a eu plusieurs rencontres, ce qui me déçoit parce que je regardais un peu ce matin là, les différents éléments de l'année. C'est sûr que dans les grands sujets, il y a eu évidemment le scandale là, qui a frappé les Astros en fin d'année, mais une chose qu'on s'est parlé beaucoup cet été aussi, ça a été les balles. Hein? Ouais. Tu sais, on se demandait les records qui se brisaient, tout ça, est-ce que c'était causé par les balles? Puis là, le baseball majeur qui disait, ben, oh non, le processus de fabrication, plutôt les études de certains analystes indépendants, de scientifiques et compagnie. Donc, j'ai trouvé qu'il y a eu un manque là, au niveau de la transparence et de l'intégrité avec ce qu'on a vu, surtout une équipe qui a participé à la Série mondiale. On vient sur la Série mondiale il y a 2 ans aussi. Alors, j'ai trouvé que ça a été comme une mauvaise façon ou une mauvaise image à la fin de la décennie. Puis, j'ai trouvé que le baseball majeur, même si Rob Manfred fait un bon travail, somme toute, comme commissaire, là, il n'est pas pire ou mieux que d'autres commissaires dans d'autres sports autour de lui, mais ça reste que je pense qu'il va falloir qu'il réaffirme un peu plus de leadership dans ce type de dossier-là, surtout qu'à les négociations collectives qui s'en viennent. Tu veux diminuer le rythme des matchs, là, ils ont décidé d'amener des règlements où qu'on allait forcer 3 lanceurs en relève et les gérants qui s'opposent à ça, les puristes. Fait qu'il y a beaucoup d'affrontements entre les puristes du baseball puis la nouvelle génération de partisans. Fait que ça va être le commissaire qui va devoir naviguer au travers de ça. Puis des scandales comme il y a eu là, ou le scandale des balles, c'est des éléments qui ont quand même amené une connotation un peu négative à une année où il y a eu des records de fracassés, où les jeunes joueurs se sont vraiment mis en évidence et on a eu d'excellentes séries aussi. Ouais. Donc, avec le parcours des Nationals, qui était l'équipe de la décennie qui s'est matérialisée la dernière année. Donc, il y a eu des belles histoires, mais assombries par ces éléments-là. Et ça s'est terminé avec le scandale des Astros, qui n'est pas terminé d'ailleurs, là. L'enquête est en cours. Je pense qu'on n'a pas voulu en parler pendant les assises pour mettre vraiment la place avec les signatures de contrat et tout ça. Mais il y aura des répercussions. Là. Les Astros vont être punis. De quelle manière, on va le savoir plus dans l'hiver, mais il y aura des répercussions sur ce scandale-là. Tu parles de... Puis ça, on n'a pas parlé beaucoup, de réduire la longueur des matchs. Il y avait des tests qui étaient supposés se faire dans les ligues mineures. On n'a pas de résultat de ça, hein? C'est drôle, hein? Oui, puis même la Ligue Atlantique aussi. Exactement. Puis même le fait d'avoir mis, par exemple, en manche supplémentaire, de partir avec un joueur au deuxième but, par exemple, ou même chose avec le nombre de secondes entre les lancers, on n'a pas réussi à démontrer de façon que ça allait accélérer le match de façon significative. Puis tu sais, dans le fond, le problème qu'on a, puis c'est le problème avec tous les sports, je sais que tu es un grand amateur de football, puis on voit la même chose là-dedans, c'est que t'as, oui, tu veux diminuer la durée des matchs, mais il y a tellement de publicité. C'est parce qu'à un moment donné, tu peux pas non plus, ces moments-là de publicité, les vendre ailleurs. C'est rendu qu'on voit même de la publicité pendant les matchs, alors qu'on voit encore les joueurs sur le terrain, parce que tu vas vouloir diminuer ta durée de match, mais en même temps, tu veux pas diminuer tes revenus publicitaires. Mmh. Et c'est ça la réalité que le baseball frappe. C'est pas le fait que le match est plus long à jouer, c'est le fait que ça fait bien leur affaire qu'il y ait 2-3 minutes entre chaque demi-manche, parce qu'ils passent de la pub. Fait que si tu coupes les pubs de moitié là, tu veux sauver une heure dans le match de baseball, coupe la moitié des pubs. Mais tu peux pas aller là. Donc là, tu commences à altérer le jeu. Tu vas dénaturer ton sport aussi, là. C'est ça, pourquoi, dans le fond, pour passer plus de pubs. Fait que c'est toujours l'équilibre qui est difficile à aller chercher, là, ce que d'autres sports feraient possible. OK, on va y aller maintenant avec ce que évidemment, c'était l'année des Nationals de Washington. J'en ai parlé avec Jacques, j'en ai parlé avec Marc. Dave Martinez, écoute, début du mois de juillet, il était pratiquement condamné. Puis quel retour de la situation, hein? Ah, écoute, ça me donne le temps depuis la fin de la série mondiale de mieux apprécier en recul. Là, des fois, je vois des résumés des séries où j'ai écouté des émissions là-dessus aussi sur le MLB Network. Puis ça nous fait apprécier à quel point ça a été un parcours exceptionnel pour Washington, non seulement de revenir pour se qualifier pour les séries, mais même dans les séries. Ils perdaient contre les Brewers alors, à la fin de match. Ils ont réussi à revenir contre Josh Hader. C'est pas n'importe quoi. Un des meilleurs releveurs dans le baseball. Ensuite, en série de division, contre les Dodgers, balaye la série de championnat et ensuite dans la série mondiale, perdre 3 matchs de suite à domicile. Il n'y a pas grande équipe qui se serait remontée de ça. Vraiment, là, un parcours sensationnel. Et sais-tu quoi, quand tu regardes un peu la signature aussi d'un gars comme Stephen Strasburg, on se souvient quand Strasburg est arrivé, hein? Il y a eu l'opération Tommy John. Ensuite, on avait parlé beaucoup quand il n'a pas lancé en série en 2012. On voulait protéger son bras, puis finalement, il n'avait jamais réussi à passer les Nationals plus loin. Puis on se disait, ça va-tu faire comme un peu avec Ovechkin et les Capitals? Et c'est deux équipes de Washington qui ont réussi à virer le tournant en allant gagner un championnat des années 2010. Puis ça, c'est un marché Washington en général qui est c'est vraiment réénergisé de ça, alors que les Redskins continuent d'être un peu pathétiques, puis au niveau du basketball aussi, c'est difficile. Ben, au moins, les Nationals et les Capitals ont réussi dans ces 10 ans-là à aller au moins chercher un championnat avec des équipes qui étaient prévues d'aller jusque-là. Ovechkin, c'était pas normal qu'il n'y ait pas de coupe. Ouais. Des gars comme Strasburg, c'était pas normal qu'il n'y ait pas leur série mondiale. Ben, ils ont été cherchés jusqu'au bout. Et l'année, en plus, qu'ils ont perdu Bryce Harper, on se souvient dès le début de l'année, en janvier, début février, toute l'histoire qui avait mené à la signature de Harper à Philadelphie. Donc, ça a été toute une année pour Washington. Et d'avoir été en plus réussir à re-signer Strasburg dans les assises, je pense qu'ils ont été les grands gagnants de l'année. Ils sont passés à côté du contrat d'Harper qui aurait été une erreur, à mon avis, pour leurs besoins. Ils ont gardé Strasburg qui est vraiment là. Alors que, écoute, on a vu des séries Scherzer, Strasburg, puis Patrick Corbin. C'est ça qui a fait gagner les Nationals. Si tu retournes en série l'an prochain, tu peux gagner. Alors, moi, je suis vraiment, c'est l'équipe d'année, les Nationals, sans aucun doute. Et surtout que tu me parles de ça, puis tu me fais revenir. C'est la première fois dans le monde du sport que je voyais des équipes pas capables de gagner un match à domicile. C'est la première fois que je voyais ça. Tu me fais revenir à ça, là, puis c'est... Ouais. On verra probablement pas ça non plus. Non, c'est assez particulier ce qui s'est passé en série mondiale. Là. Peu importe le sport, j'avais jamais vu ça des sports professionnels. Là. Ouais. Puis, c'est ça. Bruno aussi, ben, ça a été, l'année aussi du côté des Blue Jays. Comment t'as trouvé ça? Ben écoute, on en a parlé un peu tout le long de la saison. On trouvait qu'il n'y avait pas trop de direction par moment. Puis là, dans l'entre-saison, ben là, on semblait au début dire qu'on allait avoir un peu plus d'argent. Là, on voit les contrats qui se multiplient. Là. D'ailleurs, un gros changement sur l'an passé, hein, les assises ont vraiment donné. Tu sais, avant, on disait que les assises, on appelait ça le hot stove en anglais, là, qu'il allait avoir beaucoup de d'ébullition. On se souvient l'an passé que c'est à peu près rien passé, mais cette année, c'était le contraire. Hein. Dès que Strasburg a signé, puis Cole a signé, tout le reste a déboulé, Rendon et compagnie. Et là, on voit des joueurs qui signent, entre autres, on a vu hier là, Justin Smoke qui s'est joint aux Brewers de Milwaukee. On a vu les Blue Jays aussi faire une signature un peu, je dirais, habituelle des Blue Jays, aller chercher un lanceur japonais qu'on ne connaît pas trop, mais qui semble avoir du succès là-bas. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça pourrait donner, ce qui va... On parle de l'utiliser en relève. Exactement. Puis moi, ce qu'un lanceur japonais, ça me dit lanceur japonais, ça me dit mot de bras. C'est pas compliqué, là. Tu sais, on en a parlé souvent là, de ça, là. C'est des mots de bras. Exactement, et c'est là où on voit justement que cette signature-là, c'est pas une signature qui va changer complètement la rotation. Là, tu sais, présentement, on se demanderait qui est le premier partant des Jays. Là. Ça peut aller dans plusieurs directions, et je pensais qu'il allait avoir, on avait parlé, il y avait des rumeurs de certains... Kukul ou peu importe. Il y avait eu lui aussi, il y a eu plusieurs noms. On avait même passé à Zach Wheeler qui a signé finalement avec les Phillies. Donc on verra, c'est pas terminé. Ils ont dit qu'il allait avoir un peu d'argent pour signer, mais la plupart des lanceurs que j'aurais jugé d'un tiers intéressant, mis à part peut-être Ryu, là, sont déjà signés. Et on verra s'il y a quelqu'un qui va aboutir. Là, mais sinon, c'est sûr que si on regarde pour l'an prochain, encore une fois, la rotation risque d'être le problème. Ça a été un peu le cas cette année. C'est l'offensive, ça fait deux ans qu'ils nous donnent quand même des fois des spectacles intéressants avec les jeunes qui poussent. Puis je pense qu'on continue de voir ce développement-là. On a vu cette année Biggio qui a eu des moments, Beau Bichette avec sa séquence de coups sûrs en arrivant dans le baseball. Donc, c'est ce qu'on nous avait promis, ce qu'on nous vend. Ça arrive avec ces jeunes-là qui poussent au bâton. Est-ce qu'on devra attendre encore un ou deux ans avant d'avoir de quoi autour pour les entourer? Ça va partir pour ça. Et si on regarde déjà pour l'an prochain, c'est difficile de voir les Jays ailleurs que dans le bas-fond de la division des Orioles. Ouais. Quand tu regardes les Yankees, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand tu regardes les Red Sox qui restent quand même compétitifs, puis quand tu regardes les Rays avec la saison qu'ils viennent de connaître, ça s'enligne encore pour ça. Donc, peut-être que c'est correct aussi d'être un peu plus patient du côté de Toronto. Je trouve ça décevant de la manière qu'on fonctionne. Mais moi, demain matin, qui va lancer le match d'ouverture? S'il n'y a pas de blessure, tu dois donner la balle à Matchmaker, qui a été blessé tout au long de la saison, mais qui avait montré de très, très belles choses. Moi, je pense que c'est lui qui est actuellement ton premier lanceur, mais ça va pas bien quand Shoemaker est ton premier lanceur. C'est un troisième ou quatre. Rowe, qu'on vient d'acquérir, c'est un troisième. Même chose pour Chase Anderson. C'est un troisième, quatrième dans une rotation. T'as plusieurs 3-4 dans cette rotation-là. Exactement. Les Yankees, Garrett Coles. Écoute, c'est un contrat, c'est difficile de voir comment ça pourrait pas mal tourner. Mais je pense que du côté des Yankees, s'il y a juste une série mondiale attachée à ça, ça va être suffisant. Tu sais, quand tu donnes 300 millions, écoute, on a passé la barre du 300 millions, c'est l'année des records. Hein? On se souvient, en début d'année, il y a eu Machado et Harper, les équipes étaient un petit peu plus frileuses. Puis ensuite, ce qu'on a oublié cette année, c'est l'extension de contrat de 400 millions de Mike Trout. Hein? Personne n'en parle. Ouais. Ça est arrivé après les deux gros contrats avant le début de la saison. Cette grosse extension-là, et là, on a eu un premier lanceur qui a franchi 300 millions avec Garrett Cole. À mon sens, ça fait peut-être plus de sens que Stephen Strasburg, de par l'historique de blessure de Strasburg, avec son méga contrat aussi avec les Nationals. On parle de 7 ans, 245 millions. C'est un contrat qui pourrait faire mal, surtout que Strasburg a déjà 31 ans. Mais dans le cas de Cole, c'est pas surprenant. C'était la cible numéro 1 de Yankees. Et l'autre chose, c'est qu'il a des années dans son prime là-dedans. C'est sûr que c'est énormément d'argent. Les Yankees peuvent se le permettre, mais ça reste que c'est un contrat que c'est sûr que dans les 4 ou 5 dernières années, probablement qu'ils vont avoir plus de misère à justifier. Sauf que, comme j'ai dit, si ça est venu avec une série mondiale en cours de route, on l'a vu par le passé, les Yankees ont gagné en 2009, puis en 2012-13, ils payaient des gars comme Teixeira et compagnie. C'est pas grave, le championnat était quand même accroché en haut du stade. C'est un peu la même réflexion. Si on en gagne un ou peut-être deux dans les 4-5 prochaines années, ça vaudra amplement le coup pour eux. C'est malheureux pour les plus petits marchés, mais c'est comme ça que ça marche du côté du baseball. Les grosses équipes, les propriétaires qui décident d'être agressifs au niveau du mob. C'est le bon moment pour les Yankees d'être agressifs. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été d'un contrat agressif comme ça. Puis je pense que c'était le bon moment. Moi, je trouve que c'est de l'argent parce que quelque part, Garrett Cole, il lance tous les 5 jours. Il n'est pas à l'abri de maux de bras. Pour un lanceur, donc c'est ça. Les Red Sox, eux autres, j'ai hâte de voir, parce qu'au moment où on a juste le podcast, ils ont commencé, en tout cas, il y a des pourparlers, Mookie Betts en irait avec les Dodgers, David Price est quelque part est sur le marché. On dit même que les Red Sox pourraient échanger Betts et demander à l'équipe de prendre un contrat de Price. Hein? T'as-tu vu ça passer aussi? Oui, ben, en fait, c'est parce qu'on essaie de voir comment on peut rebâtir rapidement. C'est une approche qu'on a vu plusieurs équipes aussi dans le baseball avoir dans les dernières années. C'est sûr que du côté des Red Sox, on commence à avoir un réseau de filiales un peu plus mince. Puis il y a des besoins. Tu sais, David Price, c'est un lanceur qui a connu des hauts et des bas au cours des dernières années. Si on peut se débarrasser du contrat, c'est peut-être une façon pour une autre équipe d'aller chercher ce gros contrat-là. C'est sûr que les Dodgers viennent en tête de liste parce qu'ils ont l'argent pour ce genre de placement-là, parce qu'ils pourraient aussi servir de David Price dans leur rotation, là, les Dodgers qui veulent enfin aller chercher un championnat avec ce groupe de joueurs-là qu'ils ont. Fait que c'est ce genre d'équipe-là qui est dans un dossier comme ça. Mais du côté des Red Sox, je comprends aussi l'approche. Je pense que Betts Ça fait plusieurs fois qu'il en parle aussi lui-même. Je suis pas certain qu'il y a d'intérêt à signer à long terme là-bas. Puis je suis pas certain que les Red Sox non plus ont d'intérêt à le signer à long terme. C'est peut-être pas lui le joueur sur lequel on veut aller mettre 250 ou 300 millions qu'on a vu d'autres joueurs avoir. Donc, à partir de ce moment-là, peut-être que la meilleure façon, c'est de l'échanger puis prendre, forcer une autre équipe à ramasser aussi un contrat comme celui de David Price. Mais si tu veux avoir quelque chose comme ça, écoute, t'as deux, trois équipes qui peuvent se payer ce genre de truc-là. Là. Tu pourras pas aller plus loin que ça. Par contre, il y avait des rumeurs aussi, un certain temps, les Cards de Saint-Louis étaient intéressés par Price. Je pense que Price, c'est quand même un marché intéressant si tu réussis à faire une transaction. Mais dans le cas de Mookie Betts, c'est vraiment un joueur qui va être à surveiller. Il me fait penser un peu à Francisco Lindor. On en parle pas beaucoup, mais il y a Lindor avec les Indians. Lui, il est toujours là pour l'an prochain, mais c'est sa dernière année de contrat. Puis c'est deux des prochains là, jeunes super vedettes là, qui vont probablement, vraisemblablement, bouger d'adresse. Donc, ça va être intéressant de voir lequel des deux va bouger en premier, si les deux bougent avant le début de la saison. Il y a aussi un point intéressant qui est arrivé en 2019, c'est le premier match de l'histoire du baseball en Europe. Oui. Quel match, des matchs vraiment, là, ça faisait ding et dong pas mal comme match. Là. Des matchs de 3h30, 4h, les coups de circuit, c'est sûr que c'était spécial un peu. C'est les Red Sox et les Yankees en passant. Ouais, c'est ça. Puis je pense que c'est quand même une bonne nouvelle dans le sens de la promotion du sport à l'international et tout ça. C'est ce que vise le baseball majeur. On sait qu'à chaque année, souvent, on débute la saison au Japon. Puis c'est des marchés sur lesquels l'Europe, de plus en plus, le baseball va faire des progrès dans certains pays. Donc, le fait qu'on ait joué là-bas puis qu'on envoie des équipes comme ça, je pense avoir un message fort sur le fait qu'on veut rendre le sport plus international. Maintenant, le résultat des matchs, proprement dit, c'est un peu la NFL. Des fois, les matchs sont pas très intéressants là-bas. Des fois, sont intéressants. Il y a le voyagement aussi. T'sais, au travers de la saison, ce genre de voyagement-là, c'est sûr que ça vient... surtout au baseball, où on joue presque à tous les jours. C'est sûr que là, on avait prévu le calendrier en conséquence. Ça devient un petit peu plus difficile à organiser. Mais ça a été quand même un événement historique de 2019 et on va y retourner aussi. Oui, les Cubs contre les Cards. Exactement. Et ce que j'aime, c'est qu'on y va avec des rivalités historiques. Ce que j'ai aimé moins de la NFL des dernières années, c'est qu'on envoie là-bas souvent des clubs qui ont plus de difficultés au guichet pour avoir des matchs où il y a plus de monde. Ça me fait penser à l'époque où on envoyait les Bills jouer à Toronto, mais on n'amenait pas les Patriots, on n'amenait pas les grosses équipes de la division. On souvent jouait contre des Jets alors que les équipes avaient des difficultés au lieu de mousser l'événement pour que ça fonctionne. Je trouve que le baseball en Europe font les choses de la bonne façon. Ils envoient les bonnes équipes là-bas avec des rivalités historiques. Puis c'est sûr que ça a été un immense succès au guichet et un immense succès au niveau des codes d'écoute là-bas. Donc, je trouve que c'est intéressant qu'ils répètent l'expérience en 2020. Dernier point que je veux te parler avant d'aller à la pause, le retour des expos, comment tu as trouvé ça? Moi, je suis un peu déçu. Je suis un peu. J'ai fait des entrevues avec Denis Coderre, avec Marc, avec Jacques. Eux autres ne sont pas plus négatifs qu'il faut, mais moi ça me tente pas d'attendre en 2028, là, regarde. Mon enthousiasme est comme effrité un peu. Là. Ben en fait, c'est l'enthousiasme pour le partisan, puis c'est dans cette position-là qu'on est. Ben nous, on a hâte que ça arrive. Puis si genre, je fais un parallèle avec le retour des Nordiques, puis on veut jamais faire le parallèle sur le dossier, mais c'est pas vraiment ça, c'est plus la fièvre du partisan. Moi, je demeure à Québec, puis il y a de moins en moins de gens qui me parlent du retour des Nordiques. Je sortais de l'université début des années 2010 et j'ai commencé à travailler, je me souviens, là, j'ai ma place, la marche bleue, le Colisée qui se construit et tout ça, les rumeurs, on surveillait les avions, puis... Mais finalement, autour, là, ce que j'entends, puis quand t'entends Jérôme Landry qui même lui-même le dit à la radio qu'il croit de moins en moins au retour des Nordiques, ben tu te dis, OK, t'as effrité cet enthousiasme. Fait que même si les Nordiques étaient pour revenir, t'as brûlé la flamme de certaines personnes que t'as rallumé, puis elle rallumera jamais cette flamme-là. Puis le but avec les expos, ceux qui ont encore cette flamme de baseball-là, tu veux pas les brûler, aller faire attendre 8, 10, 12, 15 ans, puis qu'à un moment donné, ça revienne, parce que c'est là que l'intérêt est là, puis c'est là que tu peux, s'ils reviennent, créer ça, c'est cette base de partisans que tu dois te recréer là. Et je trouve ça dangereux, parce que justement, il y a un aspect toujours de nostalgie qui est relié à ça, puis ça fait une quinzaine d'années que les expos sont partis, tout ça, mais tu peux pas attendre que ça fasse 25-30 ans, parce que dans 25-30 ans, ben, les gens qui étaient là en 2004, c'était déjà plus beaucoup de monde, fait que les gens qui étaient vraiment là dans les grosses années, en 94-93 et compagnie, là, ben eux, ils reviendront pas au stade en 2030. Non, fait que c'est ça qu'il faut que tu sois capable, si tu veux être capable d'aller... Plus tu t'éloignes dans le temps, je trouve que plus que tu peux venir perdre cette corde-là. Puis je vois la même chose à Québec, j'entends de moins en moins parler de ça. Puis je me dis que même si les Nordiques viennent, on a passé à côté de la fenêtre pour avoir vraiment une base de partisans. Je me demande s'il y a créé du rêve, puis il est disparu. Ouais, je me demande si on a passé proche. On n'a même pas passé proche. En tout cas, regarde. Des fois, je me pose la question si c'est des histoires qu'on ne s'est pas contées puis on s'est cru. J'espère que c'est pas la même chose pour les expos si c'est le cas, parce que en bout de ligne, ça a recréé cet engouement-là. Mais s'il disparaît à nouveau, on va avoir de la misère à le réallumer dans le futur. OK. Bruno, on va aller à la pause, puis je te rappelle dans quelques secondes. Vous êtes à l'écoute d'une entrevue avec Bruno Boudreau sur les ondes de DanRadioSport.com. Vous avez besoin d'une bonne batterie pour la saison froide qui s'en vient? Eh bien, l'équipe de Batterie Expert saura bien vous conseiller. Nous avons des batteries pour tous les véhicules et pour tous les budgets. L'équipe de Batterie Expert désire également souhaiter de joyeuses fêtes à toute sa clientèle et les remercie de la confiance témoignée durant l'année. Batterie Expert, 757 Boulevard Vézina à Dolbeau-Mistassini, 418-979-7812. Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercie de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. Vers ceux et celles qui font notre succès et tout le personnel et la direction de LCR Vêtements Chaussures souhaitent de très joyeuses fêtes à la population ainsi qu'à sa clientèle. Merci de votre support pour l'année qui se termine. LCR Chaussures et Vêtements, au 1463 Boulevard Walbrook, Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-9595. Chez Dolbeau Auto, on célèbre le temps des fêtes en grand avec le Silverado 1500 à 0% sur 72 mois et un rabais de 7 000 $ en valeur totale. Le Sierra 2019 à 0% sur 72 mois. Monsieur Stéphane Fortin et tout le personnel de chez Dolbeau Auto souhaitent de joyeuses fêtes et une bonne année à toute la population et vous invite à la prudence pendant cette période. Dolbeau Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, Dolbeau-Mistassini, 418-276-0580. Chez Dolbeau Auto, on célèbre le temps des fêtes en grand avec le Silverado 1500 à 0% sur 72 mois et un rabais de 7 000 $ en valeur totale. Le Sierra 2019 à 0% sur 72 mois. Monsieur Stéphane Fortin et tout le personnel de chez Dolbeau Auto souhaitent de joyeuses fêtes et une bonne année à toute la population et vous invite à la prudence pendant cette période. Dolbeau Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, Dolbeau-Mistassini, 418-276-0580. On a tourné le podcast en deux jours parce qu'on a été dérangé. Donc, la deuxième partie, il y a une petite différence. Entre les deux tournages, il y a une grosse nouvelle qui est arrivée. Les Blue Jays de Toronto qui ont fait deux acquisitions importantes, et surtout une, Byron Ryu, qui a été signé par les Jays de Toronto. Bruno, c'est une grosse nouvelle. Oui, puis écoute, on en parlait justement du manque d'action des Blue Jays puis du besoin au niveau des lanceurs partants. Puis Ryu semblait être un candidat depuis le début qui était dans la mire des Blue Jays. C'est sûr qu'une chose qu'on n'a pas parlé puis que je voyais aujourd'hui passer un petit peu, c'est toute la notion de la filière asiatique. Ouais. Du côté de Toronto, il y a beaucoup d'Asiatiques qui sont des gens qui naturellement sont attirés par le baseball. On se souvient du passage de Manunari qui était là et que les gens avaient bien apprécié à Toronto. Donc on disait même que la télévision nationale coréenne allait diffuser les départs de Ryu en Corée. Donc, je pense que pour cet aspect-là, ça faisait beaucoup de sens. Puis aussi pour le fait que les Jays, je pense qu'ils n'avaient pas l'argent pour aller dans des gars comme Cole ou Strasburg. Mais quand tu es à l'intérieur de 100 millions, oui, le gars, il a 32 ans, il a été blessé, il y a des risques avec les lanceurs toujours. Mais quand tu restes à l'intérieur du 100 millions pour un gars qui a eu connu quand même une très, très bonne saison l'an passé avec les Dodgers, vraiment, les Jays, on dira pas qu'ils deviennent des prétendants à participer aux séries là, comme d'autres clubs dans cette division-là qui est très, très forte. Mais un gars comme ça, si dans deux ans, il est toujours à des bonnes performances puis les jeunes vont en pousser un petit peu, c'est là où tu auras peut-être un bon moment d'avoir un contrat. Donc, 4 ans, 80 millions, fait pas mal de sens pour lui. Ouais. Puis Ryu, dans le cas de Ryu, écoute, c'est un lanceur de balle à effet. Donc, c'est pas un lanceur de balle rapide. Donc il peut faire une plus longue carrière. Donc ça c'est une grosse nouvelle. Écoute, si tu l'as ton partant numéro un, on se posait la question, qui lancerait lors d'un match d'ouverture, ben là il n'y a plus de doute, c'est Ryu qui sera le lanceur partant à moins d'une blessure au camp d'entraînement. Là moi j'en parlais avec Jacques, là maintenant t'as un gars comme Matt Shoemaker qui pourrait être la clé. Si Shoemaker, qui avait connu une bonne saison, revient en force, là, t'as une rotation quand même qui commence à être assez respectable avec Ryu, Shoemaker, Rogue et Chase Anderson. Ça commence à être potable. Je dis pas que c'est la grande... Je dis pas que c'est dans le temps de Schmaltz, Glavin puis Maddox, mais c'est quand même intéressant. On se souvient, hein, on était sceptique quand on avait dit que du côté de l'état-major des Blue Jays, qu'on était prêt à faire un coup. Hein, on l'avait vu jusqu'à date, puis on se disait il ne se passera rien. Mais là, ça vient renforcer aussi les rumeurs. Là, il y a eu des rumeurs de possible acquisition de David Price. Ouais, Je suis pas le plus grand partisan de David Price, mais si t'es capable de l'obtenir à rabais, puis qu'ils vont chercher les Red Sox un peu d'argent sur le contrat. Ben là, avec Ryu Price puis les lanceurs que tu as mentionnés, peut-être un jeune qui pousse au travers. Nate Pearson. Là, t'as peut-être quelque chose d'assez potable, suffisamment potable du moins pour que tes jeunes, lorsque l'offensive va tourner à plein régime, être capable de te maintenir. C'est sûr que la division est féroce, puis ça va prendre plus que dans d'autres divisions. On pense entre autres à la centrale, par exemple, qui est de plus en plus faible. Mais en même temps, je trouve que ça va pas dans la bonne direction. Puis l'autre chose, ben ça vient répondre à une des critiques qu'on a fait un peu toute la saison du fait que on dirait qu'on était un petit peu passif du côté de l'état-major des Blue Jays. Ben là, on va leur lever le chapeau. Ouais. Il y avait un des gros joueurs autonomes de disponibles, c'était Ryu. Il y avait plusieurs bonnes raisons qui l'auraient amené à Toronto, puis ultimement, ils ont été capables de mettre la main dessus. Donc, chapeau aux Blue Jays. J'ai hâte de voir juste ça, je pense. Ça, comme on a dit, sans donner des Blue Jays une équipe favorite, ça a certainement là, ramené de l'intérêt. Puis, très hâte de le voir en action à Toronto. Aussi, Travis Shaw. Oui. Comment tu trouves ça? Ben écoute, il n'y a pas grand risque là, du côté de Shaw. C'est pas un joueur qui va faire la grande différence. On ne sait jamais. Ce genre de joueur-là peut connaître une très bonne saison ou une très moyenne saison. Puis si on regarde son parcours des dernières années, c'est très variable dans son cas. Donc je pense pas qu'il y ait nécessairement beaucoup de risques. C'est le genre de signature justement qu'on est rendu un petit peu habitué du côté de Toronto. Puis je pense que ça amène une profondeur, un joueur d'expérience qui va venir entourer là, ces jeunes-là qui poussent, mais sans plus. OK. Donc, comment tu prévois l'année 2020? Qu'est-ce que tu prévois dans le monde du baseball? Écoute, moi, ce que j'ai hâte de voir, il y a deux éléments qui m'intéressent vraiment en vue de la prochaine saison. Il y a deux choses. Premièrement, la division ouest de l'américaine, comment ça va bouger? Là, les Astros, il y aura une pénalité. La hauteur de cette pénalité, ça sera quoi? On le sait pas, mais ils se sont fait prendre la main dans le sac et il y aura une pénalité. Est-ce que ce sera des joueurs de première ronde? Est-ce que ce sera des joueurs qui seront suspendus? Est-ce que ce sera AJ Hinch qui manquera une partie de la saison comme gérant? J'en ai aucune idée. Mais ça va effectivement mettre beaucoup de pression sur les Astros, qui restent une très, très bonne équipe, mais au clone est meilleur. Et là, les Angels aussi, avec l'acquisition de plusieurs joueurs, entre autres Anthony Rendon, j'ai très hâte de voir. Ils n'ont pas beaucoup de lanceurs, les Angels, mais ça reste une équipe très solide. Les Rangers vont changer de stade et sont sur la pente ascendante. Donc, très, très hâte de voir pour moi la division Ouest. J'aime beaucoup les A's. Donc, j'ai un intérêt vraiment pour ce qui va se passer de ce côté-là. Puis, l'autre chose que j'ai hâte de voir, c'est Joe Girardi avec les Phillies. Oui, j'ai hâte de voir ça. Vraiment, Girardi, écoute, on l'oublie souvent, mais les Yankees, même s'ils n'ont pas gagné de série mondiale depuis 2009, et Girardi était là en 2009 comme gérant, c'est une équipe qui s'est toujours maintenue. Oui, ils ont un gros budget, un gros salaire et tout ça, mais c'est une équipe qui, année après année, réussit à faire de quoi très bien. Et Girardi, on se souvient, sa dernière année à New York, il avait fait des petits miracles avec toutes les blessures qu'il avait eues là-bas. Et ça pourrait être la pièce maîtresse qui pourrait débloquer les Phillies. Ça semblait difficile. Toute la saison passée, on remettait en question le travail du gérant tout au long de la saison. Je pense que Girardi, avec son expérience, c'est un marché qui aime les... On le voit souvent avec le défi, peu importe les équipes, là, on l'aime, les blue-collar guys, là, les cols bleus, on aime ça quand ça se met le nez dans l'action, puis Girardi a toujours été reconnu comme ça. Donc, je pense que c'est un très, très bon fit pour Girardi. Même chose pour David Ross avec les Cubs de Chicago, avec l'air après Joe Maddon. Maddon qui est rendu avec les Angels, est-ce qu'il va être capable de faire passer sur le dessus? Donc, le jeu de chaise musicale des gérants va être fort intéressant au travers du reste des éléments à surveiller. Puis aussi plusieurs jeunes, des jeunes lanceurs qui dans les réseaux de filiales depuis quelques années là, font la pluie et le beau temps, ce qui vont réussir à monter et à faire la différence. Il y en a qui ont été blessés. Beaucoup d'opérations Tommy John dans l'année passée. J'ai tué beaucoup les mineurs, Danny. Tu vois ça souvent passer. Donc, est-ce que ce sera une vague? Parce qu'on a vu beaucoup de jeunes joueurs de position faire la différence. Là, dans les dernières années, on n'a qu'à penser à Juan Soto dans les séries pour les Nationals et plein d'autres, que ce soit Acuña Jr. et compagnie. Là, c'est vraiment beaucoup de jeunes joueurs de position. Là, c'est la prochaine vague de lanceurs partants que j'ai hâte de voir. Là. Est-ce que ce sera cette année-là qu'ils vont arriver et puis éclore? Oh, j'ai bien hâte de voir ça. Bruno, je te souhaite une belle période des fêtes, belle période de vacances également, une bonne année et de la santé surtout. Puis à toi et tes petites amies, puis au plaisir de se reparler en 2020. Pareillement, Danny, même chose pour toi, puis même chose pour les auditeurs, les gens qui nous écoutent, qui m'envoient des commentaires, d'accord ou pas d'accord. Moi, dans le fond, on est là pour avoir du plaisir et mettre nos opinions sur le sport, puis on va souhaiter une belle année 2020. Bon, ben, notre ami Bruno Boudreau.